sont cramés cet été. Je sais que je gagne plus quoi s'inquiéter. J'ai mis placard dans la valise et maman est plus qu'à l'abri. J'ai mis bébé dans la rarie, tu sais qu'on fait rien à la va-vite. Je veux 2-3 immeubles de rapport et un business qui rapporte pour en arriver là. C'est des années de labeur dans un 63 S que de la Celera à bord. On était dans le cul truc, je sais que tu t'en rappelles. J'ai touché du papier, bien avant de rapper. Et ça elle rarotait, je sens sur le compteur. On n'est pas des menteurs. Tu bifes sous un matelas là, du bleu comme un bordelais. Sur mes appuis je reste là. Du pif sous un matelas, billet bleu comme bordelais. Sous mes appuis je reste là. J'ai sorti le pétard, j'suis en pétard, on me le fait. Allez sans pilote, j'laisse la cage piloter. J'oublie pas comment c'était dur. À chaque fois que j'compte mon cash, et on va fêter nos victoires avec du qui s'engage. J'entends des nouveaux billets sur les anciens. Ici les petits jeunes de la place des anciens. On augmente ta criminalité, criminalité, criminalité. On augmente ta criminalité, criminalité, criminalité. Regarde-moi dans les yeux, quand je te prends un missionnaire. Je vais servir les cons cet été, je peux m'en aller. Je sais pas à qui me fier, toute la monnaie plein de billets. J'ai tellement d'objectifs en tête, je peux pas oublier. Elle sait que j'ai beaucoup de sous, elle sait que je viens d'en dessous. Les rois avaient comme un récit, pour de saint ans je viens d'ici. On se réveille au bruit de la calèche qui gove. Tous les jours, faut que j'innove. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la dope dans le pack et le junk est en revue. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la dope dans le pack et le junk est en revue. Je suis sûr que t'as senti la frappe, mais la dope dans le pack et le junk est en revue. J'aime l'amour juste un peu, même si je suis un mec de la street. Allez sans pilote, je laisse la cage et piloter. J'oublie pas comment c'était dur. À chaque fois que j'compte mon cash, et on va fêter nos victoires avec du qui s'engage. J'entends ces nouveaux billets sur les anciens. Ici les petits jeunes de la place des anciens. On augmente ta criminalité, criminalité, criminalité. On augmente ta criminalité, criminalité, criminalité. RS6, la remontada. J'ai le bolide qui fait du bruit avant midnight. On remonte à Adam. T'attaques, on répond kiff kiff. Crédit sur PS sur l'équipe chip. Je veux les gros mots dans les big checks. J'ai envie de bouger les cheveux comme chip kiff. Nouvelle Tana, j'monte sur Panam, tout est clair. Mort du canon, rejoins le canon, j'veux mon format billet vert. RR chauffé, short du shopping, c'est l'hiver. Jaloux vont peinard, j'attends le moment pour les distancer. Mani, on vit cette vie, revente la bug, celle des Celtics. J'ai toujours un business plan, genre du piano, j'fais 17 pics. Mani, on vit cette vie, revente la bug, celle des Celtics. J'ai toujours un business plan, genre du piano, j'fais 17 pics. Boum! Allez sois piloté, j'laisse la cage et piloté. J'oublie pas comment c'était dur. À chaque fois que j'compte mon cash, et on va fêter nos victoires avec du qui s'engage.